Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 57. De l'ascension du Christ. Pourquoi le Christ a dû monter dans les cieux? En quel sens il y est monté selon sa nature divine? Par quelle vertu il y est monté? Sa sublime élévation au-dessus de toutes les créatures. Effet de l'ascension sur notre salut. 1. Convenait-il que le Christ montât au ciel? Il a dit, « Je monte vers mon Père et vers votre Père. » Jean 20, 17. Le Christ était entré par sa résurrection dans la vie immortelle et incorruptible. Le lieu que nous habitons est le séjour des êtres corruptibles, tandis que le ciel est celui de l'incorruptibilité. Il n'était pas convenable que le Christ demeurât parmi nous après sa résurrection. Il devait monter aux cieux. Note. Quoique sa présence corporelle ait été retirée aux fidèles, il ne cesse pas d'être présent au milieu d'eux par sa divinité, conformément à cette parole qu'il a prononcée. Voilà que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu 28, 20. Celui qui monte dans les cieux, dit très bien le pape Saint Léon, n'abandonne pas ses enfants d'adoption. Au contraire, son ascension, plus utile pour nous que sa présence corporelle, fortifie notre foi, qui a pour objet les choses invisibles, anime notre espérance, selon cette parole, je viendrai de nouveau et je vous conduirai avec moi, pour que vous soyez où je suis moi-même, Jean 14, 3, excite notre amour pour les biens éternels. Voilà ce qui fait dire à l'apôtre, cherchez ce qui est dans le ciel, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Goûtez les biens supérieurs, et non ceux de la terre. Colossiens 3, 1. Fin de la note. 2. Convenait-il que le Christ montât au ciel selon sa nature divine? La préposition « selon » peut signifier deux choses, le mode d'être de celui qui monte, et la cause de son ascension. Signifie-t-elle le mode d'être? Le Christ n'est pas monté au ciel selon sa nature divine, qui est spirituelle et immobile. Il y est monté en tant qu'homme, et non en tant que Dieu. Désigne-t-elle la cause de l'ascension? Le Christ est monté au ciel selon sa nature divine, c'est-à-dire par sa divinité. Il a été, dit saint Augustin, attaché à la croix par ce qui est de nous, il est monté au ciel par ce qui est de lui. 3. Le Christ est-il monté au ciel par sa vertu propre? Élie, montant au ciel sur un char de feu, dit saint Grégoire, nous montre qu'un pur homme a besoin pour cela d'un secours étranger. Mais notre Rédempteur n'est porté ni sur un char, ni par les anges. Celui qui avait fait toutes choses devait s'élever au-dessus de tout par sa propre vertu. Le Christ, en effet, est monté au ciel par sa propre puissance, d'abord, par sa puissance divine, ensuite, par celle de son âme glorifiée qui mouvait à son gré le corps qu'elle animait. De cette façon, sa vertu divine a été la cause primordiale de son ascension, car si le corps devient glorieux par sa participation à la gloire de l'âme, l'âme devient bienheureuse par sa communication avec la nature divine. Note. Nous reviendrons sur ce sujet, en traitant de la résurrection générale. Fin de la note. 4. Le Christ est-il monté au-dessus de tous les cieux? L'apôtre dit formellement, il est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir. Éphésiens 4, 10. Son corps brille de la plus grande gloire. Il était très convenable qu'il fût élevé au-dessus de tous les autres corps glorieux. Note. Le corps du Christ peut très bien être en dehors de l'espace renfermé par les cieux, dont il n'a rien à recevoir. Les corps glorieux n'ont pas besoin d'occuper un lieu. Il n'est pas impossible qu'il existe simultanément dans un même lieu avec un autre corps. Un miracle peut faire qu'il en soit ainsi. Fin de la note. 5. Le corps du Christ est-il monté plus haut que toutes les créatures spirituelles? Le Christ est placé, dit l'apôtre, au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances. Éphésiens 1:21. Inférieur aux substances spirituelles par sa nature propre, son corps leur est néanmoins très supérieur à raison de son union hypostatique avec la divinité. Il convient qu'il soit élevé au-dessus de toutes les créatures. 6. L'ascension du Christ est-elle pour nous une cause de salut? Le Christ a dit, « Il vous est utile que je m'en aille. » Jean 16:7. Son ascension, tant de notre côté que du sien, est utile à notre salut. De notre côté, elle nous excite à la foi, à l'espérance et à la charité, en même temps qu'elle augmente notre vénération à son égard, en nous montrant en lui, non plus un homme mortel, mais le Dieu qui règne au plus haut des cieux. Si nous avons connu le Christ selon la chair, disait saint Paul, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. 2 Corinthiens 5:16. De son côté, il nous ouvre la voie du ciel, selon cette parole qu'il a dite lui-même, « Je vais vous préparer une place. » Comme il faut que les membres arrivent où leur chef les précède, il a ajouté, « Afin que vous soyez où je serai. » Jean 14:2-3. Pour gage de sa promesse, il conduit avec lui au ciel les âmes qu'il a délivrées des enfers, ce que le psalmiste annonçait d'avance par ses paroles, il montera au ciel, emmenant une multitude de captifs. Psaume 67:17. De même que le grand prêtre, sous l'Ancien Testament, pénétrait dans le sanctuaire pour intercéder auprès de Dieu en faveur du peuple, de même il entre dans le ciel, afin d'intercéder pour nous en présentant sa nature humaine à son Père, qui, non contente de l'avoir exaltée si haut, a pitié de ceux pour lesquels elle a été prise. Du trône où il est assis comme Dieu et comme Seigneur, il répand lui-même sur les hommes ses dons divins. Selon cette parole, il est monté au-dessus de tous les cieux, afin de tout remplir de ses bienfaits. Éphésiens 4:10. L'ascension, comme on le voit, est pour nous une cause de salut. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.